Play the fucking track. Play that fucking track. Oh, there it is. Smash. Dans cette rue sombre, je ne me retourne plus. Mon visage regarde vers l'horizon pour vous en dire plus. J'oublie mes vieux démons de mon passé. J'arrête de me les ressasser. Écrire de nos jours, je peux plus m'en passer. Je vais en placer plus d'une. Arrêtez de me lasser. Oublier le goût de l'amertume de mes péripéties. Si le monde est stone, c'est qu'il est perdu dans la brume. Et si le peuple apprécie, c'est parce que la musique est bonne. Et mon récit, c'est un périple, quelque chose de corrosif. Je branche le périphérique qui relie de l'encre à ma perte. Je me soigne, elle coule dans mon sang. Quand l'infirmière s'est fait l'appel, j'ai bouché la plaie au pansement. Là, j'ai pas le temps d'en perdre ou d'en gâcher ce qu'il y a. Appartient aux gens qui se lèvent tôt, couille ne va pas nous lâcher. Je tape parfois dans le sachet quand on veut, on peut. Qui n'a jamais péché, y'a que d'aimer qu'on ne peut pas s'empêcher. La moindre des choses c'est de me dépêcher, de bien bûcher. Charbonner pour la bonne cause, fais souvent un vol de fait. J'suis loin de l'enfer, toi j'espère que vos tympans sont plus que prêts. Après première toche, j'ai capté que le SR c'est plus que prêt, c'est juste du vrai. À la différence de chez nos parents en l'air, j'me sers d'un savoir élémentaire. Et les menteurs sont souvent pendus par le cou et laissent un véritablement colis. Littéralement, comme un aimant, le rap m'attire. Véritablement, j'ai plus l'envie de partir. J'suis pas du tout du père, j'crache des rimes diverses au nom du père. J'suis pas encore même si qui pèse et même si j'y bosse. Pour que ça plaise, dis-toi bien que j'arrive à peine. Donc faut que ça pète, faut que ça perce pour faire bouger des têtes. Pack pour des liasses, charge du cosse, moi j'dépose le bête. Car au chrome, là faut que j'taffe, faut que la foule répète. Mes faces comme un staff, y'a les gros devant son steak. Et donc j'insiste, j'prêche pas la bonne parole. N'empêche que mes lyrics, elles pètent le feu, elles fanfaronnent. Et faut savoir que si j'écris si tard le soir, c'est parce que l'ambiance est sombre. Et que c'est pas le jour que l'on raconte les histoires. Le nombre, c'est pas ce que je recherche, c'est sûr, c'est pas du peut-être. Comme quand l'élève passe le maître de deux têtes. Le respect n'est plus stable, c'est la concurrence qui se la pète. Et là je reste infréquentable. Et donc en fait, la patience c'est la prison des supplices. Y'a des coups sous la table de joie avec le risque et le vice. Face au vide, 9 personnes sur 10 ne s'en trompent pas. Beaucoup monde tout là-haut et retombe mal. De verre de trop là ça tombe mal. J'ai les crocs, en plus de ça j'ai trop la dalle. Ça c'est la preuve que ma plume est là pour cracher tous ces scandales. Indécent sur mes sons sur une centaine de balles. J'taffe ma précision pour ça que la tour de Pise elle se décale. Donc des dégâts ça peut faire mal. De Rogliano vient mon héritage élégant et mon style de Rital inévitable. Comme un putain de match de foot, faire jumper les foules. Moi je pile la crève, attends les sacrifices, pas l'aider le coup. T'envoies ça, tac sec, les proches, je les dissèque. Je fais une pierre de coups, mes paroles, je les bois plus sec. Et du coup, c'est facile, mais pas très évident. Je vois ce que j'aime par intermittence. Quand les souris dansent, il était temps, j'ai l'intelligence de sortir du contexte. Maintenant, je rappe avec technique et aussi sans complexe. Le temps presse, j'appuie sur la plaie avec des compresses et des grands tests. Crache mon venin dans tous mes textes. HK, HK, HK. Et des comme test, hein? J'crache mon venin dans tous mes textes. 85 mesures, et pas une de plus. Et des comme test, j'crache mon venin dans tous mes textes. DJ Say, c'est pas trop corps de musique, HK. Je ne garderai plus le silence. Je ne garde plus le silence. Mouah. Say it, production.